Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes mardi, le 1er mars 2022, le journal en français. Tout d'abord les titres. Célébration ce mardi de la journée mondiale est dédiée à la protection civile. Plus de 44 000 personnes en 2020, plus de 35 000 sont devenues déplacées internes à cause de la montée du niveau des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, on va vous parler des femmes sinistrées des inondations qui sont regroupées dans les associations au site Sobel. Ces femmes qui se sont regroupées en association dans l'agriculture se réjouissent de leur vie quotidienne. Et chronique santé de ce mardi, Ornella Mucho va nous parler de la cécité, une maladie liée à une déficience visuelle totale ou sévère. Voilà pour les titres. Eric Kadogo assure la mise en onde. À représentant vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bonjour. Signature ce mardi entre le gouvernement burundais et l'ambassadeur de France au Burundi d'une convention de financement pour le projet Twigeneza à hauteur de plus de 20 millions de dollars américains. Ce projet est exécuté par le ministère de l'Éducation nationale. Selon le ministre des Finances, Domitien Diokubgayo, ce financement vient pour renforcer le système éducatif au Burundi. Suivez-le. Le financement initial d'un montant de 25,6 millions de dollars, dont la convention a été signée en 2019, complété de ce financement additionnel, vient en appui aux efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de l'éducation, qui, au cours de cet exercice 2021-22, a alloué à l'éducation une part représentant 20,6% du budget total, ce qui se situe au-delà des engagements internationaux fixés à 20% du budget total. En effet, à travers l'axe d'intervention numéro 5 de son plan national de développement 2018-2027, le Burundi accentue ses efforts dans le développement du capital humain. À ce titre, le secteur de l'éducation est alors l'une des priorités qui lui tient à cœur. Le projet visé par le présent financement dont la convention vient d'être signée, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la capacité d'accueil et à la qualité des apprentissages des élèves burundais de l'enseignement fondamental, ainsi qu'à la consolidation des acquis de la réforme de l'enseignement fondamental et au développement équitable du secteur. Ces objectifs spécifiques sont identiques à ceux de l'allocation initiale et visent à améliorer les conditions d'accès, la qualité des apprentissages et, ce faisant, l'efficacité interne du système. Ainsi, ce financement additionnel va permettre une mise en œuvre effective de l'ensemble de toutes les composantes décrites dans le plan sectoriel de l'éducation pour 2022-2030. Ministre Domitien Diokubgayo, ministre des Finances, c'était ce mardi après une signature entre le gouvernement burundais et l'ambassadeur de France au Burundi. Rendons-nous dans la province de Cibitoke où les habitants de la commune Mulgwi demandent la réhabilitation de la route Uganda-Mulgwi-Kabere sur la RN5 qui est en mauvais état. Ces habitants de la commune Mulgwi indiquent que cette route permettait l'écoulement de leurs productions tout en précisant que certains propriétaires des véhicules qui faisaient les navettes vers les marchés ont abandonné ce trafic. Le gouverneur plutôt de la province Cibitoke, Karem Bizoza, demande à la population de boucher les nids de poules pendant les travaux communautaires en attendant sa réhabilitation, affirmant que cette route et surtout la partie Mulgwi-Kabere sera bientôt réhabilitée par l'agence routière du Burundi. Le point avec Alexis Dairagic. Cette route part de la route nationale numéro 5 Bujumbura au Gombo, passant par la commune Mugui et prenant la sortie sur la route nationale numéro 10 Lugombo Kayanza Kabere. Pour le moment, cette route se trouve en mauvais état où les eaux y ont créé des passages, laissant derrière elle des nids de poules, des caniveaux et d'autres coins, la route étant coupée, donnant accès seulement au passage des motos. Les habitants de la commune Mugui affirment que cette route était l'une des voies permettant l'écoulement de leurs productions vivrières et le vin de banane communément appelé Rugombo. Ils indiquent que certains propriétaires de véhicules qui transportaient leurs productions ont abandonné le trafic vers les marchés de Mugui pour éviter que leurs engins ne soient endommagés. Ils demandent aux autorités habilitées de tout faire pour la réhabilitation de cette route. L'administrateur de la commune Mugui, Nzokizwanayo Merkiad, indique qu'une année vient de se passer ayant les promesses concernant la réhabilitation de cette route, mais enfin. Le gouverneur de la province Chibitoki, Karim Bizoza, tranquillise ses habitants de la commune Mugui que les agents de l'agence routière du Burundi ont déjà fait des descentes sur cette route, surtout dans la partie Mugui-Kabiré, que d'un moment à l'autre, cette route sera réhabilitée tout en demandant à la population de faire des travaux communautaires sur la partie Buganda-Mugui, embauchant certains nids de poules. Depuis Chibitoki, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci à toi Alexis Ndairagije. À Ouanza, plus de 30 maisons détruites, des champs, des routes et des ponts endommagés. Tel est le bilan provisoire des pluies intenses qui se sont abattues sur la commune de Lugazi en province de Bubanza dans l'après-midi de ce lundi. Isaac Nyandoui, administrateur de cette commune, fait savoir qu'il y a même des ménages qui ont provisoirement déplacé pour éviter qu'ils soient emportés par des éboulements de montagne comme ça a été le cas à Mouyebe la semaine passée. Spécialitas Kabanyana depuis Ouanza. 32 maisons ont été détruites par ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur la commune de Lugazi l'après-midi de ce lundi. 15 sont de la colline Kibouye et 17 autres de la colline Lugazi selon les administratifs locaux. Les propriétaires de ces maisons étaient en train de rassembler les restes des tôles ce lundi matin autour de leur maison et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Sur presque toutes les collines, beaucoup de champs et de routes ont été endommagés. Certains ponts ont été coupés, comme celui de Nyarutovu, reliant Lugazi et Kagomera. Les transformateurs qui produisent de l'huile de palme de façon artisanale disent qu'ils n'ont rien sauvé autour de la rivière Nyarutovu. 9 bidons remplis d'huile de palme, des noix de palmier qu'ils avaient séchées au soleil et d'environ 2 millions de francs burundais, ainsi que 7 machines ont été emportées par des courants d'eau. Deo Kwizerimana, administrateur de la commune Lugazi, fait savoir qu'il y a 3 ménages qu'il a été obligé de déplacer vers d'autres collines. Ils étaient menacés par des éboulements sur la colline Lugazi, selon l'administrateur. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi, Spécialitas Kabanyana. Plus de 44 000 personnes en 2020, plus de 35 000 en 2021 sont devenues des déplacés internes à cause de la montée du niveau des eaux du lac et Tanganyika de la rivière Rusizi. Déclaration du ministre ayant la sécurité publique ce lundi à la veille de la célébration de la journée mondiale dédiée à la protection civile. Gervain Dirakobucha reconnaît la misère qui pèse sur cette catégorie de gens et promet par conséquent leur réinstallation dans des zones sécurisées. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous suivez la radio Isanganiro à 13h passé de 5 minutes et le journal continue. L'enveloppe allouée à l'investissement au Burundi est faible par rapport à certains pays de la communauté est-africaine. Une étude sur la problématique de développement au Burundi du mois d'août 2021 montre que la Tanzanie vient en première position pour le premier semestre de cet exercice budgétaire. Le taux d'exécution de l'investissement est de 12% suite à la lenteur pour les marchés publics. Mireille Kanyang. Dans un pays, deux types d'investissement font bon ménage pour développer un pays. L'investissement public est dépendant absolument des ressources publiques, celles-ci provenant des recettes publiques, de l'aide internationale et de la dette. Selon cette étude sur la problématique du développement au Burundi, sortie au mois d'août 2021, l'étude comparative montre que l'investissement public dans les pays de la communauté est-africaine est varié depuis 1990. Se référant sur 5 ans, de 2015 à 2020, l'investissement au Burundi est de 10,9%. Il est de 17,9% au Kenya, passant à 24,2%. En Ouganda, sur ces 5 ans, il est de 24,8% au Rwanda et de 37,4% en Tanzanie. Côté burundais et au regard du budget de l'État de cette année, 12% des investissements ont été exécutés sur les 6 premiers mois pour une enveloppe de plus de 293 milliards de francs burundais. Un faible taux d'exécution suite aux problèmes de marché public, explique Domitien Deokubgayo, ministre des Finances. Le taux d'exécution des investissements sur ressources nationales est de 12,1%, et ce faible taux est expliqué par les procédures de passation de marché pour les différentes acquisitions qui sont encore en cours pour certains ministères au cours du premier semestre. En effet, sur un montant de 293 526 594 722 francs burundais de crédit votés, 35 334 349 380 francs burundais a été exécuté. Selon toujours le même ministre, le taux d'exécution des salaires et traitements est de 48,6%, se basant encore une fois sur cette étude du mois d'août 2021, mettant en exergue les défis à la croissance économique et potentiel de relance pour l'investissement privé sur les 5 ans retenus. La Tanzanie vient toujours en tête, suivie de l'Ouganda, puis du Burundi, suivie par le Rwanda. Merci à vous, Mireille Kanyange. Je vous l'avais dit en titre, certaines des femmes sinistrées des inondations en zone Gatumba qui se sont regroupées dans des associations au site Sobere de la zone Maramvya. C'est dans la commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, vivent des activités entrepreneuriales. Celles qui se sont lancées dans l'agriculture se réjouissent de la survie au quotidien, alors que celles qui pratiquent de la vannerie s'inquiètent du manque du matériel de base. Omer Ndouayou. Irimo imiryango igihumbi n'amajana atanu na mirongo irindwi n'umunani igizwe n'abantu bose hamwe ibihumbi. Le site compte plus de 6500 personnes. La plupart des femmes du site sont regroupées dans diverses associations œuvrant dans l'agriculture, la vannerie, etc. et contribuent dans l'autosatisfaction. Celles qui plantent les amarantes et celles qui font leur commercialisation ont un point commun qui est la survie au quotidien. Le chef d'État nous a ordonné de planter les amarantes pour trouver de quoi mettre sous la dent. Nous avons répondu favorablement à cet appel et nous récoltons suffisamment. Nous gagnons de l'argent à travers ces activités. L'administration du site a constaté que tout le monde doit être servi. On a donné 2 terrasses pour chaque famille. C'est un partage en parties égales. Des fois, j'achète une terrasse pour 5 000 francs. Lorsque le client fait une commande alors que je n'ai pas d'argent suffisant, je donne une moitié pour m'endetter le reste. Je gagne parfois des 1 000 ou plus de bénéfices. Celles qui sont dans la vannerie, quant à elles, déplorent le manque du matériel de base. Nous faisons la vannerie étant au nombre de 38 femmes. Lors de la vente, on trouve au moins les stylos pour nos enfants. Si nous trouvons l'occasion d'être assistés, notre association progressera. Claude Nshimirimana, responsable de développement des familles dans le site d'Isobel, parle des activités d'auto-occupation permettant de mener une vie moins stressante. Il indique que toute personne qui se confie à ce cadre reçoit un accompagnement dans l'optique de faire face à la pauvreté. Voilà, c'était Omer Ndouayo. Politique, en bref, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, se dit préoccupé par les informations apportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvent du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Dans un communiqué sorti ce lundi, le président Macky Sall rappelle que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et devrait bénéficier de même droit de traverser la frontière pour se mettre à l'abri du conflit, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Les Africains qui font l'objet d'un traitement différent, inacceptable et série choquant et raciste et violeraient le droit international. Le président en exercice de l'Union africaine exhorte tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie. Il salue la mobilisation des États membres de l'Union africaine et de leurs ambassades dans les pays voisins pour accueillir et orienter les citoyens africains et leurs familles qui tentent de traverser la frontière de l'Ukraine pour se mettre en sécurité. Et au 6e jour de l'invasion russe en Ukraine, les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté à Biélorussie. ce lundi 28 février en session extraordinaire d'urgence à la suite d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dimanche 27 février. Selon le site de la RFI, le bilan provisoire de l'ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres réels sont plus élevés, a déclaré Michel Bachelet. Dimanche 27 février, le ministre ukrainien de la Santé faisait état de 350 civils tués, dont 14 enfants, et de 1684 civils blessés, dont 116 enfants. Plus de 500 000 réfugiés ont déjà fui les combats, selon les Nations Unies. Radio Isanganiro, chronique santé. La cécité est une maladie liée à une déficience visuelle totale ou sévère, laquelle est le symptôme majeur. L'ophtalmologue Rudolf Rugena précise que les facteurs favorisants sont multiples comme le diabète, mais aussi certaines maladies visuelles, dont le glaucome et la cataracte. Suite à ces facteurs, les enfants peuvent être touchés par cette maladie, mais les plus à risque sont les personnes âgées de 65 ans et plus. Ornella Mucho. La cécité est définie comme l'absence ou la perte de la vue, une acuité visuelle inférieure à 0,01% au moment où, à l'état normal, elle est à 100%. Selon l'ophtalmologue Rudolf Rugena, cette maladie peut toucher les deux yeux ou seulement l'un d'eux. Une vision floue, difficulté à identifier les formes, c'est les symptômes de la cécité. Il y en a plusieurs. Il y a des erreurs de réfraction, la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome, les traumatismes, la rétinopathie diabétique. Cette maladie est causée par de nombreuses maladies oculaires comme le glaucome et la cataracte, lesquelles sont les causes principales de cécité. Ce spécialiste précise toutefois qu'elle peut être liée à des facteurs d'origine génétique, à un accident ou à une maladie infectieuse. Les rayons lumineux de la soudure peuvent causer des maladies qui peuvent entraîner la cécité. Et aussi l'exposition sur les écrans, les téléphones, laptops ou bien les télévisions. Aussi, il faut savoir la distance où tu peux mettre les écrans par rapport à là où tu devrais lire. Aussi, savoir réduire la luminosité. Suite à ces facteurs, les enfants peuvent être touchés par cette maladie, mais généralement, le nombre de personnes atteintes de pathologies oculaires liées à l'âge avancé ne cesse d'augmenter. Parmi les gens prédisposant à la cécité, il y a les maladies que j'ai citées, comme la cataracte par exemple. La cataracte, c'est une maladie qui peut causer la cécité. Les gens qui sont prédisposés, ce sont les gens qui ont plus de 65 ans. Au-delà de 65 ans. Aussi, à signaler qu'il y a aussi une cataracte congénitale, aussi une cataracte traumatique liée au traumatisme. Selon Rudolf Rugena, la protection de la vue est l'une des choses les plus importantes. Merci à toi, Ornella Mucho, pour cette chronique santé. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de nous avoir suivis. Merci également à Elie Kadogo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.